Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard et qu'un jeune homme, en état d'imposer silence à la persécution, avait pris sa défense. « Monsieur Goriot, dit Madame Vauquer à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure ?»« Et d'une baronne, lui répliqua Rastignac. Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à Rastignac. Je lui ai pris la tête. Il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité. Ce sera un père éternel. » Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fît rire. Il voulait profiter des conseils de Madame de Beauséant et se demandait où et comment il se procurerait de l'argent. Il devint soucieux en voyant les savanes du monde qui se déroulaient à ses yeux, à la fois vides et pleines. Chacun le laissa seul dans la salle à manger quand le dîner fut fini. « Vous avez donc vu ma fille ?» lui dit Goriot d'une voix émue. Réveillé de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui prit la main et, le contemplant avec une sorte d'attendrissement, « Vous êtes un brave et digne homme, répondit-il. Nous causerons de vos filles plus tard. » Il se leva, sans vouloir écouter le père Goriot, et se retira dans sa chambre, où il écrivit à sa mère la lettre suivante.